les toits, au loin des îles, flotte comme des noyés sur la mer. Donne-moi encore, donne-moi un baiser. La vue est si belle. On traîne sur les toits comme des ondées dépressives. Il y a de l'espace à perte de vue, des mers, des ciels perdus. Donne-moi un baiser. Comme caresse les brises d'été, donne-moi un baiser. On traîne sur les toits comme des années dans le siècle. Solitaire, périssable, on sera toujours aussi minable. Donne-moi un baiser, la vue est si